En Corée du Sud, a eu lieu le 1er avril partout à Séoul une lutte en faveur de la liquidation des forces de Park Geun-hye et des abus. La place de Gwanghwamun a abrité un meeting organisé par le comité spécial de liquidation des abus sous l'égide de l'Action nationale extraordinaire pour le départ du pouvoir de Park Geun-hye. Les participants ont demandé l'éclaircissement du dessous de la catastrophe du paquebot Sewol, l'arrêt de la disposition de Saad et la liquidation des abus. L'Alliance estudiantine pour l'enseignement a tenu un rassemblement à l'arrondissement de Sodaemun en faveur de la démocratisation universitaire. D'autre part, le Conseil national d'actualité des étudiants a organisé un rassemblement d'actions communes intensives pour présenter ses revendications en faveur d'une société nouvelle, notamment la réduction à moitié de frais d'inscription.